Voilà. Ça enregistre, c'est merveilleux. La technologie. De quoi? C'est peut-être ma connexion qui marche pas très très bien. Oh, attends, oui, attends. C'est peut-être parce que j'avais changé. Attends. Voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Parce que j'avais dû baisser parce qu'une fois je faisais une séance de discussion avec Destrocorn, mais il y avait les enfants derrière, alors j'avais augmenté le seuil de tolérance, tu sais. Du coup, comme ils étaient en train de jouer derrière, ils arrêtaient pas de rigoler, tout ça. Donc, a priori, ça devrait aller mieux maintenant. C'est sûr qu'après, pour faire un retour, c'est pas super simple. Voilà. Allez, vas-y, parle-moi mal. Oui, évidemment, c'est très gênant. Oui, monsieur, je m'en charge. Encore plus? Oui, monsieur, je m'en charge. Encore? Bah oui, mais si toi t'ouvres la porte en même temps, ça... Ok. Attends. Et on y repart. Oui, monsieur, je m'en charge. Encore désolé pour ça, monsieur. Non, vas-y, je me suis foiré. Alors, vas-y, je recommence. Encore désolé pour ça, monsieur. Putain, c'est pas possible. Encore désolé pour ça, monsieur. Ça ne se reproduira pas comme je l'ai promis. D'accord, ouais, je suis allé beaucoup trop vite. C'est parce qu'en fait, je lis pas en même temps. Enfin, c'est compliqué. J'essaye de jouer physiquement en même temps. Du coup, des fois, je regarde pas l'écran. Alors, je me rappelle du truc et je le sors d'une traite pour pas l'oublier. Alors. Encore désolé pour ça, monsieur. Ça ne se reproduira pas comme je l'ai promis. D'accord. Ok. Encore désolé pour ça, monsieur. Ça ne se reproduira pas comme je l'ai promis. Encore désolé pour ça, monsieur. Ça ne se reproduira pas comme je l'ai promis. Encore. Non, non, je dis encore, j'essaye une autre, encore une fois. Encore désolé pour ça, monsieur. Ça ne se reproduira pas comme je l'ai promis. D'accord. Donc ouais, vraiment, j'y vais à fond victime. Ok, c'est parti. Encore désolé pour ça, monsieur. Ça ne se reproduira pas comme je l'ai promis. Bien sûr que non, monsieur. D'accord, ok. Bien sûr que non, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je... Ah, attends, le petit... Ok. Je... Oui, pardon. Vraiment, vraiment... Ok. Je... Oui, pardon. Je... Oui, pardon. Oui, je sais. Peut-être pas de doubler le jeu. D'accord. Bon, de toute façon, la phrase est faite. La partie de phrase. Oui, je sais. Je serai à l'heure, promis. Promis. D'accord. Oui, je sais. Je serai à l'heure, promis. Oui, je sais. Je serai à l'heure. Promis. Oh merde, le texte il est derrière. Ah! Ah putain! Évidemment, la recherche fonctionne pas. Oh, crotte de bique. Ok. Espèce d'enfoiré. Ok. Espèce d'enfoiré. Encore. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Ok, je coupe. Comme ça, je te...